Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique des 5 000 président cette année à Dolbeau-Missassini. On sait que David Lamontagne avait fait ça il y a quelques années. Là, maintenant, une nouvelle administration, et c'est Michel Pinchot qui a pris la relève de David Lamontagne. Question de savoir un peu comment il trouve ça, on lui parle. Bonjour, M. Pinchot. Bonjour, bonjour. M. Pinchot, comment vous trouvez-vous le défi jusqu'à maintenant de hockey mineur cette année? Ben, c'est pas nouveau pour moi. Là. Ça fait quand même quelques années que je suis dans l'hockey mineur. C'est sûr que là, à la présidence, j'ai commencé l'an passé où il n'y a pas eu beaucoup de hockey. L'année passée, on avait surtout des défis avec la COVID. C'est bien certain. Comment ça se passe cette année? Cette année, ça va bien. En général, ça va bien, excepté qu'on a quand même... On a quand même certains défis de début de saison. Là. C'est toujours une question du nombre de joueurs, nombre de gardiens de but. C'est toujours un défi en début de saison. Okay. En général, ça va bien, mais il y a quand même des petits problèmes. Est-ce qu'il y a une baisse de comparé à 2018-2019, comparé à ce que c'était dans le temps avant le COVID? Ben oui, c'est sûr qu'on a vu une baisse. Surtout au niveau de nos jeunes joueurs. Okay. Là, je peux pas dire si c'est dû au COVID, mais les jeunes joueurs, les petits pré-novices, on a eu moins d'inscriptions cette année. C'est sûr qu'au total, ça se répercute aussi. C'est moins pire que ce que je m'attendais, mais il y a quand même une baisse. OK. Du côté des équipes cette année, comment ça marche? Il y a du hockey mineur, il y a du 2B cette année de hockey scolaire. Est-ce que ça nuit pour les rapides? Ben, c'est sûr que le hockey scolaire vient nous chercher quelques joueurs. Cette année, ils ont fait une équipe de plus. Mais on était au courant, puis on a donné notre accord là-dessus. Là, c'est un essai qu'on fait cette année. Puis c'est pour le mieux des deux parties, si on peut dire. On essaie ça comme ça. Mais oui, c'est sûr que plus il y a de joueurs dans le scolaire, moins qu'il y en a dans le civil, mais on est capable de s'arranger. OK. Dites-moi si on parlait un peu du côté du recrutement de bénévoles. De ce côté-là, est-ce que ça va quand même pas pire? Ben là, ça, c'est pas juste de cette année. Hein. C'est toujours difficile à chaque année d'impliquer les entraîneurs. Si je pense à mon midget, on a eu beaucoup de misère à se trouver un entraîneur. Vous parlez des casseurs de Dolbeau? Pas le midget 2B, le midget A. OK. Donc, c'est ça, là, on vient tout juste de trouver, mais c'est toujours un défi, là. Autant dans le comité du hockey mineur que pour les entraîneurs, que pour un peu tout, les comités de tournoi. Ça prend beaucoup de bénévoles, là, pour faire virer le hockey. C'est sûr, cette année. Le dossier des arbitres maintenant, comment que ça se passe de ce côté-là? Ailleurs, c'est très difficile. Je faisais une entrevue ce passé avec Pascal Bouchard qui disait que ça progrès, que c'est quand même pas si pire au Sénat Saint-Jean. Est-ce que Dolbeau-Missassini, c'est compliqué? Ben, il y a des secteurs où c'est toujours plus compliqué, mais là, je parle pas à 100% connaissance de la cause. J'ai mon responsable des arbitres qui pourrait en dire plus. Puis là, la saison, c'est monsieur Godette, Sébastien Godette, qui est responsable des arbitres cette année. Okay. Puis, dans le fond, ben, tu sais, la saison n'est pas commencée, fait qu'on peut pas, on n'a pas manqué d'arbitres encore. Fait que là, c'est difficile à dire, mais on va sûrement vivre un peu le même problème. Il y a des secteurs comme le secteur normandin qui est toujours un petit peu plus difficile, il y a un petit peu moins d'arbitres. Ça va dépendre. Je pourrais vous en dire plus dans les prochaines semaines, là, comme c'est là, on n'a pas encore de problème. OK. Dites-moi, du côté des tournois, est-ce que ça revient cette année? Pardon, pouvez-vous répéter? Est-ce qu'au niveau des tournois, est-ce que ça revient cette année? Est-ce qu'il y a des tournois qui reviennent? Oui. Oui, on devrait être en mesure d'offrir tous les tournois qu'on offrait d'habitude. Tous les comités sont en train de se mettre en place. OK. Donc, si on n'a pas de mauvaise surprise avec la COVID, encore une fois, tous les tournois devraient être de retour. OK. Dites-moi, l'ancien tournoi de Michel Goulet du Centre de formation professionnelle, si je ne m'abuse, en 2019, il avait été annulé. Est-ce qu'il y a des chances qu'il revienne? Honnêtement, je peux pas vous dire, je peux pas vous répondre là-dessus. Je peux vous dire qu'on a le tournoi Atom Pee-wee qui va avoir lieu, le tournoi novice devrait avoir lieu, le tournoi Bantam est en branle aussi. Ah, c'est bon. Je suis pas au courant de tout. Justement, on a des réunions à venir, là, on va en savoir plus, mais je peux pas vous répondre. Est-ce que ça a été compliqué de relancer ça après une année de COVID où on a été est-ce qu'on a été complètement arrêté ou pratiquement arrêté? Est-ce que c'était compliqué? Ben non, je peux pas dire que ça a été compliqué. Ça a quand même bien été. On a la chance d'avoir une bonne équipe. On a quand même des bons bénévoles, des gens qui font partie du hockey mineur depuis quelques années. On en a aussi des nouveaux. Okay. Ça a bien été, mais on fait face aux mêmes défis qu'on faisait face avant. OK. Ben, mais M. Pinchot, on vous souhaite la meilleure des chances. On va peut-être avoir le plaisir de se parler au courant de l'année. Parfait, merci beaucoup. Le président du hockey mineur de Boom-Sisney, Michel Pinchot.